ton monde s'écroule et tu te sens tellement triste. Tu penses que tu n'y peux rien, alors tu hausses une épaule et tu te dis, c'est comme ça, ça passera. Tu gardes le sourire car c'est ça qui te tient. Tu es fier et solide, tu veux croire que demain sentir.